fais du rap et j'en ai rien à foutre que t'aimes. J'suis certainement pas meilleur qu'un tel ou un tel. Les vrais qui me connaissent savent que j'suis sincère. Rien à foutre d'être célèbre, écoute ces quelques lettres. SR Caprod, SR Caprod. Je veux mourir libre et je suis pas là pour plaire. Beaucoup de choses à dire, donc pas prêt de me taire. Que ça soit mes scuds ou mes concerts, je rappe parfois pour des concerts. Pas prêt de passer l'éponge tel un concierge, mais je conserve le même état d'esprit et de serre. Toujours le même discours amer. Allez, j'écourte ma thèse et que les putes se taisent. Pas là pour le pèse, mais juste pour le plaise. Je fais ça par amour, mais apparemment trop peu le comprennent. M'énerve, je ris mes rames et eux me font de la peine. Dans mes veines, tu trouveras de la passion. Sûrement du sky, mais beaucoup de bons sons. Je suis passé à côté de pas mal de ne sais. Tu le sais, mec blasé, le placé, L-E-R-A-C. J'ai le rap dans le sang et je n'ai de cesse de le répéter. Ça changera pas et ce depuis que je suis tout petit. Pas de pitié dans nos histoires. Si tu me casses les couilles, tu finis dans nos listes noires. On avance, même si à boycott mon pote. À l'époque pour le hip-hop qui devient une mode, c'est une honte. Tous rêvent de passer sur les ondes. Mais putain, j'en ai rien à foutre et te le démontre. Y'a trop de glands que je démonte, quitte à te paraître vulgaire. Mec, à part sert dans un milieu de merde, même les minos s'y mettent, n'ont rien à dire. Je les dégage comme un vulgaire s'y mettre. Je viendrai pas te lécher le cul pour ta première partie. Une spéciale à ces rappeurs qui te payent une bouffe l'anus pour un featuring. Tous pensent thunes et pour même se prostituent. Dans ce domaine je marche droit et jamais ne titube. Ils doivent comprendre que je ne suis pas formaté. Rien à foutre d'être maté. Ces gens là je les soustrais comme un matic maté. C'est tic paté, c'est tic de vrai. Vite arrêtez la zig. Ouais. Le rap c'est pas les stars, alors l'argent et les paillettes. Au pied de la fille, j'ai fier de l'être. Écris, j'écris sans être au de l'être. Je suis genre de mec qui pour rien au monde ne retourne sa veste. Ernest et les faux sur le déco, je laisse. Je préfère rester dans l'ombre qu'être éclairé et fondre. Beaucoup trop se prennent la tête, parlant t'inquiète, je gère sans tête. À produire du son qui me fait pégère. Bah ouais, hoche, si t'as le free beat, t'as le nouveau hit. Les gens s'en battent du fond. L'important n'est plus le texte, mais le son. Et c'est pour ça que ce morceau ne te plaira pas, gros. C'est du grand le rack, tout dans la provoque. Et je trace ma route un peu à la Prost. Texte qui te surprend comme un colis suspect posé à la poste. L-E-R-A-C, okay. Poto. Narcos, Narcos. Percé, j'y pense pas, même en me rasant. Perso, je sais qu'y'a que ceux qui suivent ce qui passe. Et c'est blasant, si le talent te condamne à l'ombre. Moi j'ai pris perpète, j'attendrai pas d'être dead pour avoir une couronne sur ma tête. J'ai jamais demandé d'aide, même pour ma première maquette. J'rappe pour mes frères sans voix, tous ceux qui avancent sans voir. Au rhum pur sans voix, roule sans croix sans foi. Pendant qu'ils font du rap à but lucratif, Narcos et le rack sont au pied de l'affiche. Mais à genoux devant personne, t'as compris, capiche. J'te jure sur ma tête qu'ils n'auront pas un seul de mes tifs. Le boycott j'connais, c'est devenu ma marque de fab. Et ça depuis des années, j'te raconte pas de fable. Un coup trop rap, un coup trop engagé. Un coup trop blanc, un coup passé enragé. En fait, pour faire simple, j'ai toujours dérangé. Et mon franc parler, j'suis pas prêt de le ranger. Les mecs sincères sont rares, comme du bon rap à la radio. J'rappe pas pour la gloire, juste mes frères, mes raclos. Mes potos dont l'avenir s'écrit en pointillé. Crache sur le RMI pour une bonne moitié. Chaque scène du mois, une bouffée d'oxygène pollué. Les 30 jours suivants, le larfeuille reste muet. De mon côté, je me lève tôt pour amener le graillon. Et le soir, je pionce tard, je crame des mines de crayon. Tu me voulais pas dans ta radio, des soirées, des tremplins. J'ai créé mon émission, monté mes scènes, rappé à temps plein. J'ai toujours pas de mécène, mais au moins pas le froc baissé. Pas non plus de jeans slim comme ce skater sans baggy. Big up les MC du 34 qui ont pris le maquis. Qui sont pas maquillés pour avoir une première partie. À mon pull j'évite les clubs, les videurs plaques refoulent leurs frères. Résultat y'a que moi qui rentrais, ça je ne peux m'y faire. Même si peu j'y perds, leur son est à bégère. Moi je veux des DJ et pas des ambianceurs. Des poussières ta MK2, lâche ta zip d'ascenseur. Ton ecstasy, ta coke, ta jet set, tes clubbers. J'ai dépassé depuis un bail le format classique du 16. Combien de dico dream chez toi si je tape la perquise. Pourtant dans tes titres y'a un couplet, 6 refrains. C'est ce qui plaît aux petits, t'as pas honte d'escroc qu'un gamin. On est hors format, faut t'habituer. Tu dois te forcer, tu vas réapprendre à écouter du rap français. Ok. Le pied de l'affiche, c'est tout ce qu'on ne regarde pas. Qui dérange et choque le citoyen lambda. Le vrai hip-hop pratiqué par ceux d'en bas. Pas des stars du rap, millionnaires en skate-bas. C'est pour les frères qui gravent, final des vapeurs toxiques. Prennent des risques graves, les ont bouffés d'white spirit. Au pied de l'affiche sont les rastas, les toasters, les reggae-man. Au pied de l'affiche sont les teufers, les honnards, les toxicomanes. Les pieds de l'affiche, c'est ces innocents incarcérés. Dans l'horreur de la prison et par la justice harcelée. C'est pour les familles endettées, les smicards, les sans-papiers. Ceux du site à contaminer. terminé ou un fauteuil véhiculé. Les pieds de l'affiche, c'est l'ultra-gauche diabolisée, traité comme terroriste par des médias politisés. Au pied de l'affiche sont ces têtes chauves à l'hôpital, ou tous ceux pour qui la perfusion devient vitale. C'est aussi ce jeune tétra-émis ou para, signé toujours parplégique pour une vie sans apparat. Les pieds de l'affiche sont ces anciens en maison de repos, ils appellent ça l'âge d'or, seul à attendre la mort. En fait les pieds de l'affiche sont tous ceux qui me touchent, les derniers seront les premiers, un slogan qui a fait mouche. Mais laisse-moi rire pour bien son reste sur la touche, jamais tu me verras à subir ou fermer ma bouche.